en France, mixé en direct à 19h sur Fun Radio. About to land after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. J'aime de plus en plus ce titre. The Parakeet avec Save Me. Ça, c'est une vraie découverte Before Party Fun sur Fun Radio. Bon, premier Before de la semaine. On va se retrouver demain, 19h. Moi, je serai là tout à l'heure, JB, à minuit. Alors, j'en profite pour dire que jeudi soir, je recevrai à minuit Antoine Delvig, qui est un jeune DJ producteur français, voilà, qui viendra mixer pendant une heure en direct ici, dans l'émission, entre minuit et une heure, jeudi soir. Voilà. Et donc, rendez-vous tout à l'heure à minuit. Pour l'instant, 20h, c'est Lovin Fun avec le Doc et Karel. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Bah oui. Bah, excellente. C'est qu'on était là hier soir. Voilà. Ah oui, mais nous on se voit qu'aujourd'hui, donc je te... Ah mais c'est vrai, non mais très très bon. Tout ça pour dire que vous n'étiez pas là hier soir, quoi. Non mais bah, c'est normal, ils sont pas à l'antenne le dimanche soir, Doc. Non mais je constate. Non mais ça ne nous empêche pas d'écouter Lovin Fun. Vous passez faire une petite écoute de vos émissions avec Doc, hein. c'est le nouveau directeur d'antenne. Et il écoute aussi avec un stéthoscope ou... Oui oui, bien sûr, et puis avec une lampe pour voir au plus profond des êtres. Allez, pas flippant du tout. On va y aller, nous, du coup, hein. Salut les mecs. Bonne émission. Salut, ciao, ciao. Fun Radio. Radio. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. Avec Doc, Karel et Alice. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fun Radio. On y va, c'est parti. Love in Fun, nouvelle semaine qui commence. C'est vrai qu'on était là hier soir, nous. On a déjà démarré cette semaine. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne journée, la bonne soirée, c'est sûr. Vous allez la passer en nous écoutant tous les soirs, 20h, 22h. Une émission différente, une émission où on se parle vraiment. Vous allez pouvoir tout dire. Vous lâchez au standard 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel. Il est là. Oui, salut. Salut à tous. Salut. Oui, salut. Allez, je vous dis bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver tous. Allez, pour ce c'est avec gosse. Plaisir. Voilà, plaisir, bien sûr. Alice est avec nous. Bonsoir, Alice. Salut. Ça va, Alice? Bah écoute, ouais, ça va. J'en profite pour placer un petit mot parce que tout à l'heure, on a fait un live Facebook pour faire gagner le tout dernier coffret collector de l'extension de World of Warcraft. Bravo, Alice. Ouais, j'ai... c'était un peu difficile. Je vais dire wow maintenant, je l'ai dit une fois. Donc voilà, et donc j'en profite pour vous dire que exceptionnellement, on a cherché, on a fouillé, on a retrouvé un dernier coffret collector. Ah. Donc c'est vraiment le tout dernier cette fois. Donc on va vous le faire gagner sur le hashtag Love in Fun toute la soirée. Vous avez jusqu'à 23h pour être l'un des plus actifs sur le hashtag. Hashtag Love in Fun. Exactement. Sur Twitter, c'est vrai qu'on l'a filé sur Facebook tout à l'heure. Ouais. Donc là, on va le filer sur Twitter. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir sur Fun Radio. Bien sûr, vous en retrouverez ce soir Kassim. Kassim. Ouais. Kassim. Bah ouais, ça va tranquille. Et pourquoi t'es si content hein? Bah parce qu'on est là à 20h, on est bien. Les d'accord. Cons sont souvent contents. Et en plus je suis à côté d'Alice. Elle a mis un petit décolleté aujourd'hui. Non, d'accord, non. Ça va, ça va. Bonne émission à toi, Kassim. Merci, et toi aussi. Godfroy est à l'arrière. On va le changer de place parce qu'il est insupportable. Ouais, qu'est-ce que t'as avec toi, tu vas le calmer. Et donc je vais mettre à côté de toi pendant l'émission, tiens. Et il serait capable de me toucher. Allez, si je vais me mettre à côté de lui. Tu as pas des formules secrètes pour fermer la gueule de quelqu'un, Doc? Si, j'en ai une. Ah bah une bonne petite seringue, t'injectes, c'est bon. Et bon, on va se débarrasser de Kassim ce soir, je vous l'annonce. 01 42 48 5000. On va tout de suite accueillir notre auditeur du soir, c'est Steven. Steven, il a 15 ans, il est de Dunkerque. Ça va, Steven? Oh. Ouais, ça va, ça salut. Va. Salut. Ça va tranquille. Salut, Karel. Salut, Alice. Salut, le Doc. Comment allez-vous? Ça va bien. En pleine forme, Steven, tu vas faire de la radio avec nous pendant les deux heures. T'es chaud? Ouais. D'accord. Ouais, super chaud. Super chaud. Hein, t'as... Il paraît même qu'on aura une petite surprise ce soir. Ouais, elle est énorme celle-là. T'as préparé quoi? Ah, ça, je dis pas, sinon c'est pas une surprise. Ok, Il a l'art du teasing. Grave. Hein. Restez bien avec nous, sinon vous n'entendriez pas la surprise de Steven. Reste avec nous, on va accueillir Cécile. Cécile, 25 ans de Paris. Bonsoir, Cécile. Salut. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut, Cécile. Faites comme Cécile, hein. 01 42 48 5000. Cécile, tu nous appelles pourquoi? Ben moi du coup je vous appelle pour vous raconter la loose qui m'est arrivée aujourd'hui au boulot. D'accord, vas-y raconte. En fait, je m'entends super bien avec un de mes collègues et on charrie assez souvent. Ouais. Et là on s'est amusé à se lancer des paris aujourd'hui. Mmh. Et il sait que c'est assez pudique et il m'a dit bon allez vas-y pas chiche, tu fais une photocopie de ton cul sur la photocopieuse de l'administration. Génial. Rien que ça. Putain, voilà, ça y est, vous amusez. Rien que ça. Il n'y a qu'un mec pour demander ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Donc, du coup, on a attendu 17h que tout le monde soit parti. Je vais m'installer sur la photocopieuse. Et sauf que là, j'entends un bruit. Ce qui fait que je me suis barrée en courant. Ouais. Je me suis dit, ça y est, c'est quelqu'un qui a oublié ses clés ou quoi que ce soit. Ouais. Et quand je suis revenue 3-4 minutes après, bah, les photocopies, elles n'étaient plus là. Ah oh, merde. Attends, mais t'as pris une vraie photocopie de tes fesses. Ah ouais, bah ça. Mais à poil. Mais enfin, il n'y a pas ta tête, non? Ah non. Parce qu'ils vont pas quand même faire déshabiller tout le personnel pour voir à qui sont ses fesses. Ça dépend, il y a des gens qui mettent des initiales sur l'étiquette de leur culotte pour être sûr qu'on les retrouve. Pas de tatouage apparent, je veux dire. Bah, j'ai un tatouage dans le bas du dos. Après, je t'avoue que ça s'est fait tellement rapidement que mais alors, j'ai même pas eu le temps de me rendre compte dans quelle position j'étais un petit peu. Quoi. Si je peux me permettre, pour avoir déjà fait ce jeu à la radio, hein, si c'est un mec, il y a toujours une petite testicule qui traîne. Et si c'est une nana, il y a toujours un petit bout de foufina qui traîne associé. Quoi, je veux dire, donc là on va te voir dans ton plus simple appareil, hein, ma Cécile. Ouais, non, c'est vrai que je suis un peu en pression parce que je me dis, c'est chaud de faire ça au boulot, quoi. Enfin, si je me fais cramer, c'est. Donc, je suis un peu en stress, à voir si vous avez des petits conseils à me donner. Parce comment que même veux-tu si j'en rigole, Attends, ça peut faire rire. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas sali la photocopieuse? Ah, bah, on sait pas. Hein. T'es un peu mouillé. T'as mis des poils dessus, peut-être. Bon, j'espère que tu les as enlevés. Pour le reste. Bah, non, mais pas à ce point-là, mais c'est que, on n'est pas beaucoup de filles au boulot, quoi. Enfin, quasiment toutes les filles sont dans l'administration, quoi. Ok, mais franchement, Cécile, c'est pas grave. On pourra jamais prouver que c'est toi, en fait. Lance une rumeur sur quelqu'un d'autre. Ouais, excellente idée. Mais c'est très, très bonne idée. Mais tu sais, mais n'en fais pas trop, sinon tu te fais griller. Mais en mode, oh, c'est bizarre, la dernière fois, un tel était assis sur la photocopieuse. Quelle est la personne que tu n'aimes pas dans ton entreprise? Ah, mais il y en a bien une ou deux que, ouais, et pas bien, bête. Et bien voilà. Non, mais c'est ça, Cécile. Non, mais t'inquiète pas. Il y a juste aucun risque. Hein. Franchement, on peut pas. C'est pas un crime non plus. Voilà, à la limite, ça peut être considéré comme stupide. Mais t'as pas abîmé la photocopie. Si, t'as gâché une feuille de papier. Oui, voilà, donc c'est pas très grave. Il faudrait que tu la payes, ça. Faut que tu la rembourses. Bah, ça va aller, Doc, quand même. Ça devrait le faire. Papier, hein. Bah, non, mais non, quand même. T'inquiète pas. À ce point-là. Grippe sous, sans déconner, mec. T'es prêt de ton argent, toi, Doc, hein. Ben oui. Hein, bien sûr. Tu peux me payer un petit café? Non. Merci.

Le groupe norvégien Siv, c'était Breeze sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love, love in fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va appeler la voisine de Vincent qui se met régulièrement à poil. Voilà. C'est abusé, ça. Hein. Elle a 70 ans, a priori. Ouais. On va lui passer un petit coup de téléphone. En attendant, on lit vos messages sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, avec le hashtag LoveInFun pour gagner la dernière extension de Exactement, World of Warcraft. Vous êtes déjà pas mal dessus, en train de vous battre pour avoir le coffret. Un message de Sophie. On reprend les habitudes du soir en écoutant LoveInFun avant une grosse journée de cours demain. Merci de nous accompagner tous les soir, vous êtes au top. Et Courage. Un autre message de Jordan. Je me posais une question, tu bosses où, Doc, quand t'es pas à la radio? Quelque part dans Paris, je dirais pas où, parce qu'on dit jamais. Alors c'est dans le 7e arrondissement, non, les amis. Non, attends. Attends, je cherche l'adresse, Doc. Hey, c'est interdit par les médecins. Alors, si vous voulez voir Katoche. Ça, c'est autre chose. Mais ça, tu bosses dans ton cabinet. Genre, t'as pas le droit de dire où tu travailles, quoi. Sinon, ce serait considéré comme de la publicité. Je travaille dans une maternité privée. Oui, c'est interdit. Alors, bon, je peux dire, non, je travaille en clinique, mais j'ai pas envie de le dire. D'accord. Mais sinon, oui, j'habite effectivement avec Catherine quelque part dans Paris. Dans Paris. J'adore comment il dit ça. C'est mignon. Ouais, c'est tellement beau. 01 42 48 5000. Ah là, c'est un petit peu moins beau. Ah ouais, hein, pour, c'est moins mignon. Pour Vincent, 25 ans de Melun, qui nous rejoint. Bonsoir, mon Vincent. Salut tout le monde. Salut. Ça va, Vincent? Ça va très bien, et vous? Ah, super. Raconte-nous, pourquoi tu nous as appelé ce soir au standard? Bah voilà, en fait, quand je travaille pas, ouais. Je vois le matin, quand je me réveille, j'ai un vis-à-vis sur l'appartement de ma voisine. Et en fait, je la vois souvent se promener toute nue. Ouais, le problème, c'est qu'elle a 70 ans et ouais. qu'elle est pas très jolie, quoi. Ah bah. Oui, c'est pas très grave. Bah non, mais en même temps, elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut, non? Ouais, dis-moi. Je sais pas, ça me dégoûte, c'est. Elle te regarde ou pas? Sinon, non, mais elle est là, elle est en train de faire ses carreaux là avec ses seins qui pendent jusqu'à son nombril. c'est vrai que pour le coup, c'est tu pourrais aller la voir discrètement et lui dire s'il vous plaît. J'y suis déjà allé et elle m'a répondu, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je lui ai dit, au pire des cas, fermez les rideaux ou fermez vos volets. Ouais. Et elle m'a dit, je vous emmerde. D'accord. Ah oui, donc elle est sympathique. Une très gentille. Non mais en même temps, ça doit être bizarre pour elle d'avoir de devoir et tout débarquer. Vas-y, range tes seins, quoi. Tu vois. Non mais ouais, mais enfin voilà, j'y suis allé plus délicatement. Je suis parti la voir. J'ai dit bonjour madame. Voilà, écoutez. Donc tu veux qu'on t'aide à arrêter? L'arrêter. Je veux bien. Elle risque 15 000 euros d'amende, hein, je crois, normalement. T'as plus le droit maintenant. On n'a plus le droit de faire ça. Tu peux si t'as des rideaux et que tu n'es pas à la vue de l'extérieur, mais maintenant t'as plus le droit d'être à poil chez toi, surtout si ça gêne des gens, quoi. Et sur son lieu de travail, est-ce qu'on peut être. C'est encore plus. Essaye là, ici, pour voir ce que ça fait. Bien d'accord. On va voir combien de temps on te laisse à l'antenne. C'est parti. On me fait signe que c'est pas possible. Alors je reste ici. Surtout qu'on est filmé en plus, hein. Funradio.fr. Vincent, on appelle de suite la grand-mère. Alors, t'as son petit prénom ou pas? Ghislaine. D'accord, on va essayer d'appeler Ghislaine. Tu veux lui parler? Ah oui. Vas-y. On appelle Ghislaine. Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, allô? Oui. Oui, est-ce que votre femme est là, s'il vous plaît, monsieur? J'aimerais lui parler. Qu'est-ce que vous voulez, ma bonne femme? Monsieur, je suis le voisin d'en face. J'étais déjà venu la dernière fois parce que je vous ai... Votre femme, elle se promène toute nue et ça me dérange un peu. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? J'ai envie de se balader à poil, je balade à poil! Non, mais monsieur, ça sert à rien de s'énerver comme ça. Déjà, tu vas baisser d'un ton. Qu'est-ce que... Non, vous avez qu'à pas regarder? Vous fermez vos rideaux, vous ne cassez pas les couilles, merde! Mais déjà, vous allez vous calmer parce que moi, je vous agresse pas, monsieur. Je vous agresse pas. Vous arrêtez pas de venir nous emmerder, mais on sait si on a envie de se mettre à poil, on se met à poil, c'est tout. Monsieur, je me suis renseigné, votre femme reste 15 000 euros d'amende. Si je vais porter plainte, votre femme, elle reste 15 000 euros d'amende. Donc soit il va falloir trouver une solution. T'as qu'à porter plainte, et puis moi je t'emmerde, et puis c'est tout, merde. Mais vous êtes complètement malade, hein. Complètement malade, monsieur. Il a raccroché. Ah ouais, il est fou. Ah ouais, mais tu nous avais pas parlé de son mari, qui a pas l'air très commode, dis donc. Hein, on le rappelle, là, quand même, pour s'expliquer. Ouais, bien sûr, on va lui dire qu'il est en direct sur Fun Radio, quand même. Pas de problème. Tant qu'à faire. Peut-être qu'il écoute. Attends. C'est un grand malade. Ouais. À mon avis, faut pas le faire chier. Ouais. Ah, ouais. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Bonsoir. Bonsoir ouais, monsieur. Ouais. Bonsoir. En fait, oui. Bonsoir monsieur. Je m'appelle Karel. Vous êtes en direct sur Fun Radio. C'est une belle radio. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Les moins jeunes. Eh oui. Ah oui, ah, il capte pas bien en plus. Ah, je crois qu'il est énervé. Calmez-vous, calmez-vous. Il est pas, vous n'êtes pas cardiaque, non? Bah non, mais moi je suis pas cardiaque du tout. Hein, que je venais m'emmerder. Hein. Bon, alors écoutez, monsieur, voilà. Votre voisin aimerait bien que votre femme se vêtisse un petit peu dans la journée. Se vêtisse. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu dur d'oreille. Vous pouvez répéter, parce que je ne comprends pas. Votre voisin aimerait que votre femme se vêtisse la journée. Mais qu'est-ce qui vient nous m'emmerder? Si elle a envie de se foutre à poil, elle se fout à poil, puis c'est tout, merde. Est-ce que vous êtes à poil, vous aussi? Ben moi, des fois, je me mets à poil, mais je suis chez moi, je fais ce que je veux, non? Ben c'est vrai. Ouais. Il n'a qu'à pas regarder par la tête, et il vient nous emmerder, à chaque fois. Comment ça va dans la vie, monsieur? Mais moi, ça va très bien, moi. Oui, évidemment que ça va bien. Moi, j'aime pas me laisser bien. Mais il y a l'autre qui m'emmerde. Hein. Personne ne s'est jamais plaint. Il y a que lui qui va nous casser les couilles. Hein. Vincent, tu casses les couilles, Vincent. Tu vois? Ah, mais écoutez, monsieur, c'est simple. Ça va se régler à la gendarmerie. Et puis ouais, c'est tout, hein, quand vous aurez une amende à payer, c'est comme ça. Hein. Oui, bah, c'est ça. Mais t'as qu'à appeler la gendarmerie, j'en ai rien à brûler. Mais bah, y a pas de problème, monsieur, on réglera ça à la gendarmerie. Ah, attends. Bon, attends, oui, on va lui. Faut faire la paix, hein. Oui, il faut faire la paix. C'est la guerre, la paix des voisins. Bien sûr. Est-ce que vous êtes pour la paix ou pour la guerre, monsieur? Attends, mais parle pas tout le temps. Parle pas tout le temps. Est-ce que vous êtes pour la paix ou pour la guerre, monsieur? Mais moi, je suis pas pour la guerre, mais je veux juste. Moi, j'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder. J'ai envie de me foutre à poil ou si ma femme, elle veut se foutre à poil, c'est tout. D'accord, ok. Bon, eh ben, après tout, on a le droit d'être nudiste chez soi, hein, quelque part. Est-ce que vous êtes nudiste? Est-ce que vous fréquentez les camps nudistes? Oh, ben, on a fait ça à l'époque, mais maintenant c'est terminé, on fait ça chez nous, tranquillement. Bon, et on vous remercie beaucoup, monsieur. Ouais, merci, merci de nous avoir écoutés. À bientôt, monsieur. Oui, mais non. D'accord. Okay. Si vous pouvez arrêter de m'emmerder, parce que ça commence à bien faire, les conneries. Hein. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Oui, ben, c'est ça. Oui. Bonjour, ouais. Mes amitiés, madame. À bientôt. Bon, Vincent. Ah, il est fou, déménage, il est mec. Tu ouais, déménages. Non, okay. Mais je pense qu'il va m'attendre avec son fusil maintenant quand je vais rentrer chez moi. Non, mais. Ah, ben, je pense que oui, c'est non. Pas mal. Non, t'imagines. Non, c'est pas possible. Vincent, écoute. Moi, franchement, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. On va dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais imagine-toi, tu te réveilles et tu vois une meuf, elle est là, elle a 70 ans, elle a les seins qui tombent jusqu'au nombril. Eh ben, écoute, c'est. Voilà. C'est mais regarde, ça. Ça me dégoûte, ma copine, mais elle est à côté de moi. Tu peux faire une petite chose quand même pour. Tu la prends en photo, puis t'affiches la photo devant les boîtes aux lettres. Ça va pas, Doc. Ah, putain, c'est mais pas ça, c'est une bonne idée, ça. Doc, il a pété un câble, tu sais. Mais non. Mais le Doc. Vincent, c'est le meilleur. Non, n'écoute pas ce conseil. N'écoute pas ce conseil. Mais attends, ça risque rien. Ouais. Attends, c'est dans l'immeuble, c'est pas sur la place publique. C'est un lieu fermé. Et Vincent. Oui. Ils sont vieux. On s'en fout. Non, c'est bien. On s'en fout. T'as de la chance. Lui, tu l'as pas vu à poil. Alors qu'il est à poil. C'est ça. Ah, ça aurait pu aussi le voir à poil. Peut-être que je le verrai d'ici peu. Demain, je travaille pas, donc. Mon Vincent, tu tiens au courant. En tout cas, j'ai l'impression que t'as des voisins qui sont super et très open. C'est très très cool, très très cool. Salut magnifique. Vincent. Merci à vous. Les Salut. Ciao à toi. Et on sera avec Thomas dans un instant. 22 ans de Toulouse. Bonsoir Thomas. Salut. Salut tout le monde. Ça va mon Salut. Thomas. Ben écoute, ça va depuis tout à l'heure, ouais. Alors, Thomas, tu veux retrouver une fille que tu as pécho en boîte. C'était ce week-end, c'est ça? Ouais, c'était au Zoom Club à Toulouse, elle s'appelle Julie. Elle avait une robe rouge, des talons noirs, blonde, avec des tresses. Voilà, je vais la retrouver. Et c'est l'appel à l'aide. Dans un instant, et on a peut-être une bonne nouvelle à t'annoncer. Restez bien avec nous, voici Sopra en feu. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, je fais une grande écart de bandage. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme mes trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide, c'est tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio pour nous appeler 01 42 48 5000. C'est très simple. Cette année, on a décidé de vous sortir de la galère, de trouver des solutions à vos soucis. Et surtout, on s'entraide hein, tous ensemble. On profite justement qu'on on est plusieurs. À faire l'émission, à l'écouter, donc tout le monde peut se parler et s'échanger peut-être une réponse, un prénom pour Thomas ce soir qui est avec nous, 22 ans de Toulouse et qui recherche quelqu'un. T'es là Thomas ? Oui, oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Thomas, c'était ce week-end c'est ça ? C'est ça, en fait c'était samedi soir au Zoom Club à Toulouse, donc c'est une boîte de nuit. Le Zoom Club ? Et donc voilà c'est ça, et puis je suis sorti avec un pote et dans la soirée voilà j'ai bien sympathisé avec une meuf et tout. Et donc on s'est échangé quelques bisous, tout ça. Mmh. Et après j'ai dû partir précipitamment parce que mon pote était malade. D'accord. Et du coup voilà, plus de nouvelles la meuf. D'accord, donc tu l'as embrassé et tout, bah plus de nouvelles, t'es con aussi, t'aurais dû lui demander un numéro avant de partir. Oui, mais... C'est ça, mais mon pote était tellement mal que du coup... Qu'est-ce qu'il avait? Bah il dégueulait partout, voilà, c'était 18 ans quoi. Ah le vomi de l'alcool, hein, c'est ça. C'est ça. D'accord, ça, ouais. D'accord Thomas. Alors, je sais qu'elle était blonde avec une tresse, elle avait une robe rouge, des talons noirs, elle s'appelle Julie, et voilà. Alors, demandons à notre auditeur du soir, qui est enquêteur hein, dans la vie, Steven. Ouais. Steven, t'es à Dunkerque toi, tu l'as croisé ou pas? Non, pas du tout. Ah bah merci de ta participation. Hein. Bravo, hein, bravo mec. Si tu veux. Ah, t'es un super auditeur du soir, hein, même pas tu l'as croisé. Alors, Thomas, l'enquête s'arrête ici. Merci d'avoir appelé. À bientôt. Ouais, merci. Alors, ouais, Steven. Dis-moi, tu connais la gaufre bleue? Un quoi? La gaufre bleue. La gaufre bleue. La gaufre bleue. La gaufre bleue. Ah oui, t'as pris des petits cachets ce soir. Pourquoi, Steven? Ouais. Pourquoi c'est une blague? Ouais, c'est une blague. Ah d'accord, bah, je connais pas. Alors, c'est quoi la réponse? La gaufre bleue. En fait, c'est une chatte pourrite avec plein de maladies dedans. D'accord. Okay. Mais bien sûr. C'est extrêmement fine la blague. Oui, non, mais bien sûr. Steven. Mais où est la blague? Mais Steven, on n'est pas prêt de t'engager à faire radio. Hein. Si tu continues comme ça, ça va pas le faire. Allez, reste avec nous, mon Steven. Steven qui, donc, à tout moment, pourra nous faire une petite blague pas drôle. Hein. C'est important dans une émission pour apporter un petit peu de fraîcheur. Alors, Steven, reste avec nous. Thomas, on a une bonne nouvelle pour toi. Ah, c'est quoi? Bah, cette jeune fille dont tu nous as parlé, eh bien, ouais. Quelqu'un nous a appelé ce soir. Je ne sais pas si c'est elle, on va la découvrir en direct. Bonsoir.

Oh ben, pas Kevin Fun, tant qu'à faire. Demande un iPhone 7. Vraiment, t'es passé à côté du gros lot, toi. Hein. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Alison, tu reviens quand tu veux, on t'envoie le pack Love in Fun. Merci, ma chérie. Salut okay, à toi. On sera avec Clément. Quelle histoire. C'est l'histoire de la vie, cette émission. Hein. Clément est avec nous, 25 ans de Saint-Malo. Bonsoir, la Bretagne. Bonsoir, Clément. Bonsoir. Salut. Salut, Clément. T'appelles pourquoi? En fait, moi, j'ai une petite histoire à raconter. D'accord. Eh ben, tu sais quoi, j'espère qu'elle est intéressante, parce qu'avec ça, je sais pas si tout le monde va rester. Hein. Du coup, Clément, on compte sur toi, c'est énorme ce que tu vas nous dire. Vas-y, c'est énorme. Reste avec nous, voici Sam Fell, Summer on You sur Fun Radio. We were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping on coke and rum. My head up in the clouds, but when I look back now, ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you, our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks, filling our plastic cups. Down by the riverside, we spent those long hot nights until the sky turned blue. When I spent the summer on you. Spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free, but you were all that I need. My feet down in the sand, you took the watch from my hand and said it's no more use. When I spent the summer on you, we were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping a coke and rum. You sure, 'cause I cannot be returned, and so I made my move when I spent the summer on you. There's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. Sam Fell, Summer on You sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Beaucoup de réactions sur ce qui s'est passé il y a quelques minutes, là, avec l'appel à l'aide. Une histoire de dingue, quand même. Hein. Retrouver comme ça la personne avec qui on est sorti un samedi soir au Zoom Club à Toulouse. Et qui écoute Fun Radio, quoi. C'est juste énorme. Si vous voulez d'ailleurs réécouter les émissions de Love in Fun en replay, c'est carrément possible. Il suffit juste de vous connecter sur le site de funfunradio.fr ou directement sur l'appli Fun Radio. D'ailleurs, on est filmés tous les soirs. N'hésitez pas à mater aussi. À 21h tout à l'heure, on fera le défi Fallait pas demander. Il faut bien rester avec nous. On sera aussi avec Clément. Clément qui est avec nous, 25 ans de Saint-Malo. C'est quoi l'histoire que tu vas nous raconter dans un instant, Clément? Alors, en fait, j'ai mon père qui est en divorce avec sa femme. Et la mère de ma copine qui est en divorce avec son mari. Mmh. Et ces deux cons-là sont mis ensemble. Mais non. C'est-à-dire que ta meuf, en fait, sa mère vient de se mettre avec ton père. Voilà. Oh, putain. Ah ouais. Ah ouais, c'est une histoire de dingue, ça. Ça fait moins de monde pour le mariage. Moins de cadeaux. Non. Mais ça doit être flippant parce que. Est-ce qu'il y a le droit? Tous les droits, oui. Ouais, bien sûr. Ils n'ont pas de lien. Non, mais ils se connaissaient pas avant. On va en parler, Clément, dans un instant, d'accord? Ça, c'est une histoire de dingue. Dites-nous si vous avez déjà vu ça. Moi, j'avais vu ça dans un film une fois, tu vois. C'est limite un scénario de film, le grave, truc. Grave, c'est exactement ça. Dites-nous comment ça s'est passé, justement, avec votre mec, votre nana et avec votre belle-mère, votre beau-père. 01 42 48 5000. Et on sera aussi dans un instant avec Alice qui nous racontera. Le premier rendez-vous à ne pas rater.

En direct tous les soirs sur Fun Radio, 20h-22h, Love in Fun. Je m'appelle Karel, Doc est avec nous, bien sûr, Alice aussi. C'est toute une équipe qui vous invite tous les soirs sur Fun Radio. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois là ce soir, les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices, ici c'est Fun Radio. Et vous allez voir qu'on prend beaucoup, beaucoup de plaisir, avec notamment notre auditeur du soir ce soir. Alors attention, c'est Steven, il est chaud, il nous a raconté une petite blague. C'est ce qu'on appelle un four dans le métier. Attends, tu veux que je te raconte une autre? Vas-y, celle-là, elle est drôle, elle est belle. Vas-y. En fait, c'est l'histoire de Toto, il va voir son père. Et il dit à son père, parce que... Qu'est-ce qu'il dit à son père? Il dit, une mitrailleuse, ça sert à mitrailler, un pistolet, ça sert à flinguer, et un tank, ça sert à t'enculer. Ah oui, là c'est fort. Je suis pas sûre que ce soit ton ça, fort. Ça se déguste au dessert, ça. Steven, tu prépares-en une prochaine, d'accord? Non. Mais pour demain. Si. Par écrit. On te prendra tout à l'heure dans l'émission à minuit 40, d'accord? À tout à l'heure, Steven. Allez, ouais, je vais bien, mon. Ok, d'accord, à tout à l'heure, Steven, un être à part. En attendant, c'est Clément qui est avec nous. Salut, mon Clément. Salut. Alors Clément, t'as 25 ans, t'es à Saint-Malo. Ouais. Alors là, c'est une histoire de dingue. Raconte un petit peu. Alors en fait, j'ai mon père qui est en train de divorcer avec sa femme là. Sa femme, c'est pas ta mère. C'est pas ta mère. Bah, c'est la femme qui m'a élevé, mais c'est pas ma mère. D'accord, très bien. Bref, et du coup, bah, ils sont en train de divorcer. Et du coup, mon père, pour éviter de rester toute la journée avec elle, bah, il vient un peu chez moi, quoi. Il vient un peu passer la journée chez moi, quoi. D'accord. Et la mère de ma copine, elle est en divorce avec son mari. D'accord. Qui, voilà. Donc, du coup, pour éviter de rester chez elle, voilà, quoi, ben, elle vient passer ses journées chez moi, quoi. Oui. Et, donc, mon père et la mère de ma copine se connaissaient avant, un peu, hein. Et, du coup, on a appris, là, il y a un peu plus d'une semaine qu'ils sont ensemble. Ils se sont mis ensemble. Ah, putain. D'accord. Bon, c'est bizarre. Voilà. Mais, et c'est une histoire d'amour. Ah, c'est ouf. Ouais, ouais, c'est une histoire d'amour, mais moi, je trouve ça, je suis pas contre, hein, mais je trouve ça vachement bizarre, en fait. Bah non, c'est pas ça, bizarre, parce que, si tu veux, sur le plan purement... oui, il y a aucun lien de sang. C'est une coïncidence. Non, il n'y a aucun lien de sang, c'est clair. D'accord. Alors, toi, t'es troublé, parce qu'en fait, il y a un divorce en cours, et que ce divorce te concerne, donc forcément, il te perturbe, c'est d'autant que tu le dis, c'est cette femme dont il divorce, c'est la femme qui t'a élevé, donc qui est importante pour toi. Et bien, même chose pour ta copine. Mais dis-leur de vivre ça tranquillement dans leur coin, et quand les divorces... seront consommés, ou en tout cas bien actés, et sans haine. Et est-ce qu'il y a des conflits entre ceux qui divorcent? Entre mon père et sa femme, oui, énormément. Ouais. Énormément de conflits, donc ça c'est très dur, parce que du coup, tu deviens l'allié de ton père, ce qui ne peut pas cette dame. Oui, il y a ça aussi, ouais. Et elle, de son côté, ta copine, il y a un conflit chez ses parents? Oui, aussi, oui. Ah oui, donc là... Ouais, écoute, c'est pas son père, hein. C'est pas son père. Oui, c'est pas grave, je vais te donner un bon conseil. Vas-y, Doc. Dis-leur, écoutez, vous êtes des grands, hein, vous vivez l'histoire que vous avez envie de vivre, cependant, nous, on va être en dehors de ça, compte tenu du fait que les divorces ne sont pas consommés, ne sont pas actés, donc on n'a aucune raison de savoir que vous êtes ensemble, vous vous débrouillez comme des grands... Bah, si vous avez besoin d'un studio, vous allez le louer, vous prenez un bail. C'est un peu ce que je leur ai dit, Mais c'est exactement ce que tu dois faire pour garder deux bonnes relations. Après, quand les divorces seront finis, terminés, que la tension sera un peu abaissée, qu'il y aura moins de conflits, parce que, en général, c'est comme ça que ça se termine, enfin, pas toujours, mais la plupart du temps, eh bien, alors là, effectivement, vous pourrez prendre en considération cette union. Alors, Clément, Clément, t'as une chance, hein, mine de rien. T'as 25 ans, t'as pas non plus 15-16 ans, parce que t'imagines quand t'as 15-16 ans et que ça t'arrive, là, ça doit être vraiment, vraiment chaud. Hein. Alexandre est avec nous, il veut réagir, il a 21 ans du Mans. Bonsoir, Alexandre. Salut, Alexandre. Salut, équipe. Salut à toi, Alexandre. Tu voulais réagir, on t'écoute, la situation de Clément, l'histoire de Clément, ça te parle, toi? Alors, ça me parle, donc oui, j'ai une histoire à raconter, c'est un petit peu différent. Vas-y. Mais, donc, j'ai un ami d'enfance, il a perdu sa mère quand il était jeune, et il a une demi-sœur qui aujourd'hui est sa mère par mariage. C'est-à-dire que son père a épousé sa belle-mère. Sa belle-mère. J'ai rien compris. Non, mais simplement, le papa a épousé la sœur de sa femme, c'est ça? Non, la fille de la son fille. Ex-femme. Son ex-femme a dû avoir une fille avec un autre homme et il l'a épousée. Oh là là, là c'est tendu quand même, elle a quel âge? Voilà, il y a une histoire comme ça. Donc l'ancienne demi-sœur devient la nouvelle belle-mère, quoi. C'est ça. Ah ouais. Écoute, il y a des adultes qui n'ont pas de pudeur, mais bon, c'est comme ça. C'est chaud, ça. Bah, c'est chaud. Ah, bah, tu vois, Clément, il y a pire que toi, mon pote. C'est pire. Elle est pas belle, la vie, Clément, ce soir? C'est pire. Ah, non. Personnellement, c'est chaud. Comment ça s'est passé, finalement? C'est ça. Personnellement, je préférais que mon père épouse la mère de ma copine, plutôt que ma demi-sœur. Mais attends, comment ça se passe en pratique, les relations familiales, là? Alors là... J'espère pas, je pense que ça se passe bien, jusque au jour d'aujourd'hui, il a jamais eu de soucis, mais moi, ça me fait bizarre quand même. D'accord, oui. Bon, mais vous avez des contacts avec lui ou pas? Oui, moi, c'est un ami de longue date, mais je vais jamais poser la question, quoi. Ok, d'accord. Peut-être que pour lui, ça fait un peu bizarre, donc j'ai jamais osé lui poser la question. D'accord, merci Alexandre pour ton témoignage. Ça rassure quelque part Clément qui se dit qu'il y a pire. Il peut y avoir pire. Non, c'est vrai, Clément. Ah ouais, c'est ta meuf qui l'aurait pu épouser. Absolument, carrément. Mais quand même, pour la fille, choper l'ex-mec de sa mère. Ah, c'est chaud. Ah bah ouais, ça c'est particulier. Ah bah carrément. Surtout après le décès, tout ça. C'est arrêtez, ça me met mal à l'aise. mal à l'aise. Alexandre, je te remercie pour ton témoignage. C'est moi qui vous remercie. Ce serait possible de passer une petite dédicace? Vas-y, bien sûr, fais-toi plaisir ici. T'es Donc, je voudrais faire une dédicace à tous mes collègues du BDE STAPS du Mans. Ouais. Et à tous mes collègues de la discothèque où je travaille, le club. Donc big up à vous et big up à Loving Fun. Vous faites, vous envoyez du lourd. Continuez comme ça, c'est top. Merci beaucoup Alexandre. Salut à toi. Allez, bonne soirée. Clément, tu me tiens au courant de cette histoire de dingue, hein, sans déconner. Hein. J'espère qu'avec ta meuf, ça va pas foutre la merde. En tout cas, c'est ça. Faut vous préserver, comme disait Doc. Hein. Non, là-dessus, y a pas de souci. Bon bah c'est génial. Amuse-toi bien, profite bien, mon Clément. Je peux laisser une délire aussi, quoi. Vas-y. J'ai plein de monde à dédicacer, moi. Ah ouais, bah alors vas-y, fais vite. Alors je voulais faire pour ma femme, évidemment, pour ma petite femme. Je l'aime très fort. Je voulais laisser une délire aussi pour Luna, Lila, Sarah. Ouais. Et puis pour toute ma team. Alors il y a Julien, il y a Gérard. Toute la team, c'est bon, ils se reconnaissent. Il y a mon petit écureuil roux. Ouais, c'est très long. Et voilà, c'est. Voilà. Oh, t'es saoulant. À peu près tout. D'accord, et eh ben merci beaucoup Clément. Salut. Ouais. Salut. Salut Clément, merci de nous écouter tous les soirs. On sera avec Lenny dans un instant. Lenny, 12 ans de Nantes, qui veut faire le défi Fallait pas demander. Alors lui, il veut carrément qu'on appelle son père. Enfin, c'est lui qui va l'appeler, hein, lui poser la question. Et il veut lui demander, en fait, papa, j'ai dépensé l'argent d'un pote sur internet. Il faut absolument qu'il me rembourse. Voilà. C'est le défi Fallait pas demander dans un instant. Vous bougez pas, c'est dans un instant, juste avant Major Lazer avec Cold Water sur Fun Radio. C'est Love in Fun. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Dans Loving Fun. C'est toujours un moment magique. Le défi Fallait pas demander. J'espère que tout va bien. Vous profitez bien de l'autre côté de la radio. On va se marrer là maintenant tous ensemble. Avec le défi, c'est le jeu de l'émission. Le défi Fallait pas demander. Ce soir c'est Lenny qui va participer. Il a 12 ans, il nous appelle de Nantes. Bonsoir mon Lenny. Bonsoir. Salut. Ça poteau? Ouais. Tranquille, t'es prêt pour ce soir là, pour le défi? Je suis chaud. Ok, chaud patate, Lenny, ouais. Ce soir à 12 ans, tu vas appeler qui? Je vais appeler mon père. D'accord, donc le but du jeu, c'est de l'énerver pour repartir avec le jeu No Man's Sky sur PlayStation 4. Qu'est-ce que tu vas lui poser comme question pour l'énerver? Je vais lui demander de me donner de l'argent pour rembourser un pote. D'accord, ok. On part juste là-dessus? Ouais. D'accord. Eh ben, je serai le pote alors. Parce que du coup, je suis très très énervé hein, parce que tu me dois de l'argent. Mais pourquoi tu me dois de l'argent en fait? Parce que je les ai perdus en jouant un jeu sur la PS3. Un jeu sur la PS3? Ah ouais, genre t'as dépensé des thunes en petit contenu additionnel quoi. Ouais. Ok, d'accord. Bon, on y va, c'est parti Lenny, on appelle ton daron. On appelle Jimmy. Il a 43 ans. Et t'as Nantes, il va être content de savoir que t'as dépensé toute sa thune. Allô? Allô, papa? Ouais, que tu veux. Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour rembourser un pote? N'importe quoi, t'es où là? Bah, je suis chez lui. Bien à la maison. Mais j'ai emprunté 250 euros à mon pote, je dois lui rendre, je les ai perdus en jouant. Bien à la maison. Mais je peux pas, je suis chez lui, il va s'énerver. J'ai peur, papa. C'est quoi ce délire? Bah, j'ai... Tu sortiras pas de chez moi si tu me rembourses pas. Mais c'est qui, là? C'est bon, mais je suis avec lui. Mais c'est qui? Et moi, prends les gens pour des cons. C'est quoi ce délire, Lenny? Tu peux pas me prendre de la drogue et puis après pas me rembourser. De toute façon, si tu veux pas payer, moi je t'ai piqué un chèque, je le ferai moi-même. Lenny. Quoi? T'es où? Mais je suis chez lui. Passe-moi ton pote. Je te le passe, tiens. Allô? Oui, c'est qui, là? C'est moi, et alors? Et toi, t'es qui? Je suis le père du petit, là, que t'es en train de me faire flipper, là. Qu'est-ce qui me prouve que t'es le père? Je suis son père, t'es qui, toi? Moi? Parce que je venais avec la gendarmerie, tu vas voir, c'est ce que je vais te prouver. Pas peur, je vais te dire, moi, gendarmerie, doigt dans les fesses. Bon, t'es qui, là, que je récupère mon fils? Non, mais déjà, je t'expliquais, moi, c'est monsieur. Bon, déjà, tu me parles bien, s'il te plaît, je suis pas ton pote. Non, mais toi non plus. Et t'es pas bon père. Donc mon fils, il est où, là? Hein? Bah, essaie donc de regarder dans ton cul, hein, et ensuite tu me diras ce que t'en as pensé, si t'as trouvé l'endroit. Tu te prends pour qui, toi, franchement? Moi? Je m'appelle Bambi. Non, mais sérieux, t'es qui, là? Je m'appelle Bambi. Non, mais j'ai pas envie de rigoler, là. Je suis fatigué, j'ai besoin d'aller travailler, donc c'est qui, c'est qui au téléphone? Je t'explique, en fait, tous mes potes m'appellent Bambi, c'est pour ça, non, Bambi Cruz, là, tu vois. Je représente un collectif, on est en place et tout, machin, on rappe avec les potes. Non, mais là, je suis pas là en train de déconner. Ouais. Bon, alors, j'ai t'expliqué, en fait... Explique-moi ce qui se passe. D'accord, je t'explique. En fait, Lenny, il m'a demandé de la thune, et moi, je lui ai donné... Comment ça, Lenny te demande de la thune? Bah, il m'a demandé de l'argent parce que ton fils, voilà, il joue beaucoup en ligne sur des jeux, il joue au poker, des conneries comme ça, quand il vient chez moi, et puis voilà, quoi, j'ai avancé de l'argent, et puis, bah, de fil en aiguille, hein, à un moment donné, il n'y a plus d'argent, puis moi, je vais revoir mes sous, quoi. Donc là... Bah, vas-y, t'es où, là? Je vais arriver, on va voir ça. On va voir ça. T'es où là? T'as combien dans ton portefeuille? Non, je t'ai demandé t'es où, tu me demandes pas combien j'ai. Eh, sur un autre temps, putain, personne. Je suis Bambi, personne me parle comme ça. Moi, tu sais que d'où sort de Paris là. Ah ouais? Et alors? Donc maintenant, je veux mon fils et ça va arrêter un peu là, les conneries. Moi, j'ai 15 ans et demi et personne me parle comme ça. Moi, j'en ai 43, tu vois, quand je débarquais chez toi. Ouais, ah bah ça me fait pas peur. Hein? Et tu sais que j'ai fait du billet de Vodao pendant 2 ans? Tu peux même avoir fait de la guerre du golf. Tu te reportes il y a 15 ans. Attends, excuse-moi, je te passe, je savais pas que t'avais fait ça. Je te passe ton fils. Allô, papa? Où t'es où, là, Lenny? Mais je suis chez lui. Chez lui où? Je sais pas. Rigoler, Lenny, là. C'est dans une sorte de rue bizarre avec plein de chalets. C'est passé par où? Je sais pas, c'est lui qui m'a emmené en voiture. Comment ça, en voiture, tu montes en voiture? Mais il m'a dit, y a rien à craindre, c'est pas grave et tout. Mais Lenny, tu te rends compte de ce que tu me dis là? Eh, dis pas à ton père, c'est une voiture sans permis. Ouais. T'es où là, Lenny? Donne-moi la bonne ton adresse. Attends, je te le passe. Ouais. C'est quoi ton adresse? Ok, bon, tu notes? Oui, je note. D'accord. 20. 20. Ouais. Rue. Oui. Bayard. T'es sérieux là? Ouais, 20 rue Bayard, 75008, Paris, puisque t'es en direct sur Fun Radio, Jimmy. Ça va, papa? Ça va, papa? Ça va, papa? Jimmy, tu viens de te faire piéger. Non, mais non. Tu viens, si. En direct sur Fun Radio dans toute la France, dans Love in Fun. Lenny qui vient de piéger son papa Jimmy. Et autant vous dire que Jimmy était dans tous ses états. Bah oui, le pauvre. Alors c'était. Alors, on est vraiment désolé, Jimmy, parce que. Frère. Ah non, mais tout va bien. Lenny, est-ce que tu peux rassurer ton papa? T'es où? Ouais, j'arrive là, je vais rentrer. Là, voilà, il est juste à côté de la maison. Ah, il s'est juste, une blague. Il s'est juste éloigné pour faire le défi. En plus, je vais me piéger sur une radio là, je crois. ton frère. Eh, toi, tu rigoles. Défi, fallait pas demander. C'est tous les soirs dans le Vin Fun. Et grâce à ce piège réussi, Lenny, tu repars avec ton jeu No Man's Sky. PlayStation 4. Bravo, Lenny. Ouais. Bravo, t'as tout déchiré. Grave. Ça, et sans rancune, Jimmy, hein, bien sûr. Non, mais y a pas de souci. Allez, là, j'ai dit, si t'étais vraiment arrivé chez quelqu'un, je pense que tu aurais cassé la gueule. Ah là, ouais. Hein, genre... ouais là, j'étais chaud. Ah, tu m'étonnes. Lenny, tu vas rajouter un truc? Ouais, je peux faire un dédi. Vas-y, mon pote. Dédi à tout le collège Caco, à Thomas, à mon père et à toute ma famille. Eh ben, salut à toi, Lenny. Tu reviens quand tu veux. Salut, Jimmy. Salut, le papa. Salut à tous les deux. Ciao. Fallait pas demander. Mais dans un instant, on fera le chiffre d'Alice sur Fun Radio. C'est quoi ton chiffre ce soir, Alice? C'est honteux, c'est coup de gueule, parce qu'il paraît que tous les mecs ne connaissent pas la date d'anniversaire de leur copine. Oh putain. Et ouais. Oh et putain. Ouais. Ah oui. Ouais, enfin. Ah bah voilà, on en a. Ah Doc, il connaît pas celle de Katoche. Ouais, enfin. Je le sais très bien. Ah c'est quoi? Ah bah si, c'est le 16 septembre, je dirais pas l'année. 16 septembre. Ouais. D'accord, vous pas mal. Vous avez fêté ça il y a pas longtemps alors. Ah, exactement. Tu lui as acheté quoi? Qu'est-ce que tu as acheté? Ça, c'est secret, ça nous regarde. Ah. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que t'aurais pas oublié par hasard? Non, j'ai pas oublié du tout. Non, pas du tout. J'ai pas oublié, enfin, ça va pas. Hein. D'accord. En attendant, tout le monde n'est pas parfait comme toi, Doc. Une personne sur quatre ne connaît pas la date de naissance de sa copine. Dites-nous si ça a déjà été un motif d'embrouille. Ouais. Hein, parce que ça peut partir très très loin quand tu oublies ce genre de détails. Hein. Ouais. 01 42 48 5000, on vous attend bien sûr pour réagir et on va s'écouter Kungs avec Don't You Know. Le DJ français, DJ Fun Radio Superstar, dont tu nous dans un instant, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LoveInFun. Est-ce que toi tu as eu un animal comme ça un petit peu spécial qui fait peur aux gens? Alors moi écoute, je l'ai encore actuellement à la maison, c'est un Bernard Hermite. Et alors est-ce que tu lui as donné un nom? Oui, je lui ai donné le nom de Thierry. C'est une bonne vanne. Allez, ne soyez pas impatients, on débarque à 22h. Oui, soyez là car je vous veux, auditeur de Fun Radio. Marion et Anso, 22h minuit. The Night Show. Sur Fun Radio. Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers Mythique. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Vers Emeraude. T'as voyagé dans le temps? Après Rouge Rubis et Bleu Saphir. Le monde est en train de plonger dans le chaos. Assistez au grand final de la saga Phénomène. Gideon! Vers Emeraude. Mercredi sur tous vos écrans. Et en ce moment, participez à la chasse aux émeraudes. Serez-vous l'un des 6 chanceux à découvrir une émeraude dans votre boîtier? Avec Fun Radio. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première avec les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Oui, c'est exactement ça, Droppy. T'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Mais je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Le magazine Elle présente Elrun Marionneau. Une course en duo de 7,1 km, des cours de yoga, une course pour enfants, des animations beauté et de nombreuses activités. Venez courir seul ou en duo. Rendez-vous le 16 octobre au Bois de Boulogne. Inscription sur run.elle.fr. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you know. Fun Radio, don't you know? 01 42 48 5000. Love in fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Dans un instant, sur Fun Radio, on va parler premier rendez-vous. Les erreurs à ne pas faire, en fait, pour un premier encart avec un mec et une nana. En attendant, juste avant d'en parler, on a Steven, notre auditeur du soir, qui ne cesse de nous étonner. Hein. Après quelques petites blagounettes hein, qui n'ont pas fonctionné, Steven, je ne te le cache pas. Tu nous as réservé une petite surprise ce soir. Pas espoir. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je sais pas, on l'a fait maintenant. Bah, oui, qu'est-ce que tu veux faire? Raconte. Bah, je vais vous faire un rap. Un rap? Super. Sur la radio de Dance Floor, c'est parfait. Encore un sans faute. On y va, Steven. Du rap Dance Floor, t'as prévu un truc? Ouais, bah oui, bah, il est en face de moi, c'est un cahier. Donc, On peut te mettre une petite musique? Ouais, ça dépend, parce que je l'écoute avant et après je pose dessus. Attends, attends, c'est un professionnel, le mec. C'est qu'on a, on a reçu de nombreux chanteurs, jamais ils ont été comme toi. Hein. Et, tiens, écoute ça. Écoute ça. Vas-y, Joey Star, là. Allez, vas-y, Steven. Love in fun avec Docteur Relais et Alice, la radio qui résout tous tes problèmes. Passe-moi le mic que je fais des dédicaces et des packs fun. Bravo! Oh, c'est qui l'auditeur? Attends, c'est pas fini, Tu as engueulé, là. Continue. C'est qui l'auditeur du soir? C'est moi. C'est qui le chanteur du soir? C'est K.Iris. C'est qui le travail du soir? C'est K.Sim. C'est... Est-ce que tu connais? C'est oui, c'est oui. Attends. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai déjà fait une fille de bœuf. Oui, je suis chaud. Je conquérirai le cœur d'Ali au pays des merveilles. Car elle sent plus, car il a embrassé Marion. Ali, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Je ne sais plus avoir mal depuis que t'es là. C'est Love in Fun de 20h à 22h. La radio qui résout tous tes problèmes de cœur. Bravo, bravo Steven. Steven Caris, t'es avec nous ce soir. Steven, bravo. Ouais. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Faut envoyer comme ça sur une radio. Tu restes avec nous, Steven. On va parler du premier rendez-vous. T'as reçu un message, Alice? Ouais, j'ai reçu un message de Loïc. En fait, ça fait 2-3 mois qu'il est en kiff sur une fille et il vient enfin de réussir à avoir un rendez-vous avec elle. Ouais. Du coup, là, il est un peu en panique et il se demande où est-ce qu'il va l'emmener, ce qu'il va lui proposer de faire. Donc, il se demande quels sont les rendez-vous idéaux pour une fille et surtout quelles sont les erreurs à ne pas faire. Parce que c'est vrai que nous, les mecs, on sait pas trop en fait. Le premier rendez-vous, tu vas être sûr d'en avoir un deuxième, quoi. Donc, comment pas faire le coup. Comment vous faire plaisir? Il y a beaucoup de réactions. Hein. 01 42 48 5000, on va accueillir Leslie. Bonsoir Leslie. Coucou. Salut. Bonsoir Leslie, t'as 24 ans, t'es à Lens. Pour toi, un premier rendez-vous, ça se fait comment? Qu'est-ce qui est important? Ouais, c'est important. Une petite balade en roller et puis un petit chinois. C'est pour toi. Un petit chinois, ouais, mais une personne. Un petit chinois. Un restaurant. Ah oui, un restaurant. Ah, oui. Pas branché, resto guindé, moi. C'est compliqué. Il faut toujours qu'il y ait un petit chinois. Oui. Ça, ce que tu dis, bon, ok, c'est banal, mais c'est pas tellement la question qui est posée. C'est qu'est-ce qui va faire que tu vas bloquer? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être charmé dans son comportement, dans sa façon d'être? Ouais. Voilà. En fait, faut pas qu'il en fasse un pataquès. Faut pas qu'il en fasse trop. Pas de pataquès. Ouais. C'est-à-dire naturel, simple. Voilà. Et pas frimeur, pas... Voilà, ouais. Un charme naturel. Ouais. Un charme naturel, d'accord. Qui paye l'addition? Moi. Ah putain, ouais. Moi je trouve que c'est au mec de payer. Bah ouais. Si, Cassim, t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Elle, égalité homme-femme, là, hein, ça va. Moite-moite ou c'est la meuf qui paye. Ça nous emmerde pas. Okay. Comme ça, tu baises et tu payes pas. Sans déconner. Toi, Leslie, peu importe finalement l'endroit, faut être naturel et. C'est la façon d'être. Faut que le feeling y passe, c'est le feeling qui compte. C'est le feeling. Pour toi, Doc, c'est important en fait. Mais c'est essentiel. Si tu vas à la rencontre de quelqu'un pour une histoire a priori d'amour, il faut essayer d'être soi-même le plus naturel possible. Si tu n'es pas toi-même, si tu es tendu, si tu transpires, si tu ne sais pas trouver tes mots, forcément, l'autre va se demander. Si tu fais la gueule parce que tu es anxieux et que tu as peur, non, il faut être soi-même. Comment on fait pour se détendre? Parce que la situation on parle de tout et de rien. Je crois que, voilà, il y a des sujets, quand on est jeune, il y a forcément des sujets sur lesquels on a envie de parler, la vie fun, la musique, je ne sais pas quoi. Et puis voilà, on parle simplement, il faut parler simplement. De la simplicité en fait. Hein. Et Estelle nous rejoint, 21 ans de Strasbourg. Bonsoir Estelle. Salut Estelle. Bonsoir. Bienvenue Estelle. Alors pour toi, un premier rendez-vous, c'est tout ça? C'est du naturel? C'est quoi? C'est ouais, beaucoup de naturel. Bon, pas trop collant non plus. Mais ah oui. Genre, les garçons qui sont toujours directement en câlin, je reste accroché à toi. Et où on passe la nuit, c'est ça, non. Oui. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que on t'a déjà fait le coup, genre mec, il t'a quasiment jamais vu et il est complètement fou de toi, quoi. Ouais, ça, c'est pas juste agréable. Ça a tendance à te fuir. T'es avec quelqu'un là? Non, t'es célibataire. Ouais. D'accord. Ok. Ça voilà. Ça vaut pour le prochain s'il écoute. Ouais, exactement. Estelle reste avec nous. Mickaël est là, 27 ans, Mulhouse. Bonsoir Mickaël. Salut Mickaël. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Mickaël, pour toi un premier rendez-vous c'est quoi? Un rendez-vous réussi? Il y a plusieurs choix, il y a la balade, il y a le petit spectacle comique, le cinéma, ça dépend de plein de choses. C'est pas con ça. Le spectacle comique, comme ça, tu utilises un mec pour la faire marrer et la mettre dans ton lit après. Ouais, voilà, s'il n'est pas à l'aise à niveau humour, ça peut toujours aider. Ah ouais. Et tu penses que ça détend l'atmosphère entre les deux? Ah bah l'humour, oui, ça peut toujours détendre, oui, ça détend l'atmosphère, clairement. Oui. D'accord, et ça a marché pour toi, Mickaël? Bah oui, moi j'ai plutôt opté pour l'option promenade dans Colmar. D'ailleurs, il y a une maîtrise de Strasbourg, donc oui. Je la connais un peu. D'accord. Donc à Colmar, les petites ruelles, c'était sympa. Hein. On va à peu près, parce que ça vaut pour les filles, qu'est-ce qui t'a séduit dans la première rencontre avec elle? Dans son comportement, dans sa façon d'être, dans sa façon de dire les choses, qu'est-ce qui t'a séduit ou pas? Bah, son naturel, après elle est plus âgée que moi, donc c'est un côté plus mature. Ouais, d'accord. L'expérience, et puis elle avait un charme aussi. Franchement, vos techniques. Aussi. Non, moi j'avais une technique franchement infaillible. Je l'emmenais tout un week-end au parc Disneyland Paris. Avec la chambre d'hôtel et tout. Oh hein. Putain, bah là, ah, t'étais comme obligé ça. De dormir avec moi. Oh putain, trop chiant. Ouais, mais là, d'accord. Du coup, c'est que les michetots qui partent en fait. Tu vois ouais, j'en ai connu. Le mec, tu le connais pas, et puis tu dis ok, je vais faire un week-end à Disney avec lui. Merci, donc, merci de me rappeler le passé, que j'étais obligé de payer les filles. Bah, même Alice. Notre auditeur du soir veut réagir, c'est Steven. Hey Steven. Ouais. Oui. Steven, après cette interprétation exceptionnelle, toi, t'en penses quoi? Un premier rendez-vous pour toi, c'est quoi? Un premier rendez-vous pour moi, c'est un gros kebab. Après, je la ramène chez moi. Je l'enchaîne. Une grosse pelle comme ça, et après, c'est parti. D'accord. Un gros kebab, une grosse pelle, et c'est parti. Sans oignon, alors. Voilà. Alice, il pourrait être pécho, Steven, tu alors, penses? Pas du tout. Ah, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi? Moi, faut pas se prendre la tête, mais faut pas jouer trop la carte du romantisme pour un premier rendez-vous. Je suis assez d'accord avec Estelle, il me semble, qui disait qu'il faut pas, justement, être trop collant, tout ça. Parce que c'est vrai que ça effraie un peu, et tu te dis, le mec me connaît même pas, et en fait tu te dis il est pas sincère, il fait la même chose avec toutes les nanas et c'est la carte qui sort à chaque fois quoi. Mais pas de ciné, de spectacle, je trouve ça nul parce que finalement tu peux pas parler en fait. Ça sert à rien pour un premier rendez-vous. Tu peux même pas faire le coup du popcorn. Non, alors déjà qui fait ça, faut pas faire ça. Oh ça va, c'est bon. On plaisante bien sûr. Plein de conseils en tout cas pour ceux qui vont faire un premier rencard. Merci à tout le monde, Leslie, Estelle, Mickaël, notre auditeur du soir, bien sûr notre champion ce soir. On fait des gros bisous, vous restez bien ici, surtout que dans un instant on sera avec Nicolas. Nicolas Saison de Rodez, t'es là Nicolas? Salut. Ouais, je suis là. Bonsoir Nicolas, t'appelles pourquoi Nico? Salut tout le monde, j'appelle parce que en fait je prends plus de plaisir en masturbant qu'avec ma copine. Ah oui, ça peut arriver, oui. Ah ça c'est relou ça. Ça s'éduque. Ah, Doc va t'éduquer dans un instant, d'accord? Ah bah oui Nicolas, c'est pour toi, une petite éducation du Doc, tu bouges pas. Et voici Bob Sinclair, Someone Who Needs Me sur Fun Radio. Sinclair sur Fun Radio dans la Vin Fun. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. À la cool à la maison, en train de glander. Il y en a qui sont en train de réviser, de bosser aussi. Il y en a qui jouent sur le PC, la console. Il y en a qui sont sur les routes. Il y en a qui bossent en ce moment. Merci d'être avec nous tous les soirs. C'est Love in Fun du dimanche au jeudi, 20h-22h. On est là et vous pouvez venir demander ici tous les conseils que vous voulez vous exprimer. Hein, tout simplement, c'est une vraie libre antenne qu'on fait chaque soir sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro. On lit aussi vos messages sur les réseaux sociaux. Facebook, hashtag Love in Fun sur Twitter pour repartir avec la nouvelle extension de World of Warcraft. Vous mettez bien le hashtag Love in Fun pour le tirage au sort en fin d'émission. Et puis, des petits messages qui sont arrivés aussi sur le Facebook, Alice. Un message d'Agathe. Je viens d'apprendre que mon copain avait la mononucléose. Est-ce que ça veut dire que je l'ai aussi ou pas forcément? Non, non, c'est une maladie virale qui se transmet. On appelle ça aussi kissing disease. C'est la maladie du baiser parce qu'elle est fréquente chez les adolescents. Ça se transmet par la salive. Et soit on peut l'avoir fait de manière assez light, on s'en rend pas compte. Ah ouais, d'accord. Porteur, on est immunisé, soit on la fait pas. Mais oui, c'est transmissible comme ça. Et ça se manifeste comment, la mononucléose? La mononucléose, c'est une fatigue en général, ça peut être une angine avec des fausses membranes dans la gorge. C'est aussi une petite atteinte hépatique avec, voilà, c'est un peu, il y a plusieurs signes. Mais globalement, ce qui, le signe principal, c'est la fatigue. Une fatigue intense avec des ganglions au niveau du cou. Et un autre message de Ludo, vous passez toujours du bon son dans l'émission. Il y a quoi de prévu avant 22h? Du son que vous pouvez choisir. 01 42 48 5000. Non, je sais qu'on écoutera Ken Jones tout à l'heure. Ça, c'est le tube de l'été. Hein. Ken Jones avec Don't Mine. Hola. Bonjour, madame. Ça va rappeler les vacances, le soleil, la plage. 01 42 48 5000 avec nous, c'est Nicolas ce soir, 16 ans, de Rodez. Salut mon Nico. Salut Karel, salut Alice, salut le doc. Salut à toi. L'année du bac, Nicolas. Et ouais, l'année du bac, là, je vais souffrir cette année. Et pourtant, je devrais être dans mes fiches et même pas, j'écoute Love in Fun. Dans tes fiches, au mois de septembre, bah mec. Ah, il a raison. Ah oui, il paraît qu'il faut déjà que je commence à en faire en histoire apparemment. Donc bien sûr. Ça va, le bac, on le donne. Mais non, non ça c'est faux. Et c'est dis faux, ça, Cassim, toi. Tu vas avoir plus de 12 de moyenne. Non, mais c'est vrai. Non, attends, moi, j'ai eu au rattrapage. Hein. J'allais dire, je suis mal placé pour en parler. Nicolas, donc toi, t'es un bosseur, pourquoi pas? Mais en tout cas, tu nous écoutes et t'as bien raison. On peut le faire en écoutant Love in Fun. Tu nous appelles pourquoi? J'appelle parce que je prends plus de plaisir avec ma main qu'avec ma copine, en fait. Bah, fais l'amour à ta main. Et ça fait. Non, mais d'accord, mais ça fait combien de temps que t'es avec ta copine? Ça fait, il y en a pas trop de dates, mais on l'a fait pour la première fois ensemble vers le 20, par là. Oui, donc c'est le tout début et c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début d'une relation, il faut quand même découvrir l'autre et que finalement, tu n'es pas habitué. Donc c'est justement d'où c'est l'intérêt de ce qui, tout ce qui concerne l'érotisme, les caresses et la découverte du corps, du plaisir chez l'autre. Et ça, c'est des choses qui se font progressivement. Ça se fait pas comme ça. Donc cette découverte du plaisir, oui, elle est pas immédiate. Au début, tu peux avoir moins de plaisir que lorsque tu es seul, parce que quand tu es seul, t'es un peu à l'aise, t'es tout seul avec toi. Là, t'es avec quelqu'un, puis t'as envie de lui faire plaisir. Enfin, plein de choses comme ça qui font que t'es peut-être un peu inhibé. Ouais, parce que... Donc il faut prendre confiance, découvrir l'autre, prendre son temps, ne pas chercher toujours le plaisir maximum, et tu verras qu'avec le temps, le plaisir ira de mieux en mieux, et tu te sentiras beaucoup plus à l'aise, et donc vous pourrez partager du vrai plaisir. Mais il faut du temps, il faut s'habituer à l'autre. D'accord, après il faut savoir aussi que, enfin, il y a quelque chose qui m'a vachement étonné, c'est qu'en fait, elle l'avait déjà fait parce qu'elle a 18 ans, moi j'en ai 16, et je l'avais jamais fait en fait, et donc j'ai fait ma première fois avec elle. Il l'est plus maintenant. Je le disais tout le temps, moi. Et alors, donc, tu l'as fait la première fois avec elle, et alors? Et du coup, le truc, c'est que moi, on m'avait dit, la première fois, tu verras, je tiens pas plus de 10 minutes, c'est impossible, etc. Et j'ai tenu 50 minutes, alors que je suis pas allé jusqu'au bout, je suis pas allé jusqu'à l'éjaculation, et j'étais vraiment étonné, quoi. Bah, ça dépend, t'étais stressé. Hein. Bah ouais, ouais. Ah, mais non, aussi... pas du tout, au contraire, j'étais hyper à l'aise. Oui, mais ouais, hyper à l'aise, mais pas habitué. Et même si tu dis que tu es hyper à l'aise, bien sûr que tu es hyper à l'aise. Mec, il fait du feu à son premier encart. Dans la relation sexuelle, c'est une chose qui arrive. Alors, il y a ceux qui éjaculent très vite, ceux qui éjaculent pas. Tout ça parce que tu le veuilles ou non, il y a quelque chose qui t'inhibe un petit peu. Parce que tes parents, tu la connais pas bien encore. Il faut que tu la connaisses mieux pour que ça se passe mieux. D'accord. C'est le début, Nicolas. C'est normal. T'es sûr que ça a duré 50 minutes? Ah, j'en suis certain. Elle était. Non, parce que c'est dommage qu'on puisse pas l'appeler, mais elle aurait. Non, mais elle aurait témoigné. Que c'est pas terrible de t'en vanter non plus, parce que 50 minutes, Alice, c'est un peu long, non? Bah, ça arrive. Moi, ma première fois, ça a duré 1h30. Oh là là. Et le mec, c'était pareil. Hein. C'était pourtant, il était très à l'aise aussi. Hein. Donc, ouais. Et ben, j'avais des bleus sur les cuisses, quoi. J'avais envie que ça se finisse. C'était horrible. Faut pas que ce soit trop long. La durée d'un rapport sexuel moyen, c'est combien d'heures? Rapport sexuel, on a toujours une petite erreur. On confond les gestes érotiques et le coït. Le coït, il est de 10, 12, 15 minutes. Ça, c'est la pénétration. Oui, c'est la pénétration. Voilà, c'est en général assez rapide. Non, moi, je crois que ce qui est très important, c'est que ce plaisir soit partagé. Et si ça t'arrive, il faut savoir s'arrêter et reprendre après. Tu es obligé de t'acharner Nicolas. Jusqu'à l'orgasme. Oui. Bah oui, non mais voilà, et c'est que le début, donc c'est normal que ça se passe comme ça pour l'instant. Tu t'arrêtes un peu, tu reprends après, et ainsi de suite. En tout cas, bienvenue dans le monde des hommes, Nicolas. Alors, merci. Ça fait quoi d'être un homme maintenant? Je sais pas, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien, et tu verras que ça continuera de te faire du bien. Tu reviens quand tu veux, Nico. Juste un petit truc. Ouais. Ouais, le truc, c'est que vous parliez il y a 2 secondes de la mononucléose, mm-hmm. et je l'ai eu, et franchement, c'est juste l'horreur. Les ganglions, comme disait le doc, la fatigue, c'est horrible. Ça peut durer 3 mois, oui. Donc Doc n'a pas dit de conneries? Putain! Ah non, il n'a pas dit de conneries. Ça, tu serais pas vraiment médecin? Incroyable, on en découvre. Eh ben voilà, on le sait que Doc n'est pas une arnaque. Salut mon Nicolas. Salut, merci beaucoup. Salut à toi. Continuez comme ça la team, bisous. Ciao, bisous. Le chiffre d'Alice, 1 mec sur 4, c'est ça Alice? Ouais, ne connaît pas la date de naissance de sa copine. Autant te dire que c'est honteux. Ah, vous venez nous dire, hein, si vous avez déjà oublié l'anniversaire de votre mec, de votre nana, si on a zappé le vôtre là. Et puis surtout, dites-nous si vous êtes déjà embrouillé avec cette histoire d'anniversaire là. 01 42 48 5000, voici Felix Jane. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When you're close my eyes and I just breathe, I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. Let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain, put my fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Jane Bonfire. Le chiffre d'Alice. Le chiffre d'Alice. Dans Loving Fun sur Fun Radio. Alice part à la recherche chaque jour d'un nouveau chiffre et aujourd'hui elle a trouvé un chiffre étonnant. Étonnant et surtout très chiant pour nous les filles parce qu'un mec sur quatre ne connaît pas la date de naissance de sa copine. Merci Facebook pour nous le rappeler régulièrement. Oui, absolument. Ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça t'est déjà arrivé Alice? Alors non, moi je sais pas pourquoi j'ai une grande mémoire des dates, des chiffres. Même les gens dont je ne veux pas me souvenir, j'ai le jour de leur anniversaire, je pense à eux. Donc c'est vraiment pas de ma faute. Alors que moi j'ai pas du tout la mémoire des chiffres comme ça. Je sais pas. Doc en tout cas se souvient de l'anniversaire de Katoche. Oui, bien sûr, évidemment. Attends, et de votre anniversaire de rencontre aussi? Bien sûr, mais je le dirai pas ça. Ah. Il y a des choses qui restent secrètes. Oh putain. Oh, ouais. Allez Doc, ça, tu on vas va pas te la voler. Hein. Tu sais qu'on va enterrer ta vie de jeune garçon à bientôt là. Oui, enfin oui, si on veut. Oui. Ah oui, bah tu vas, parce tu vas aller. En fait, elle est enterrée là. Je vis avec elle, tout va bien quoi. Oui, non mais tu vas te marier. Il faut enterrer quand même. Il faut ouais, enterrer. Ouais, oui, parce qu'on t'a préparé quelques surprises. Tu nous en diras des nouvelles. Alors le chiffre. Pire, le chiffre d'Alice. Un mec sur quatre ne connaît pas la date de naissance de sa copine. Bonsoir Mickaël. Salut Karen, salut Alice, salut Doc. Salut Mickaël, t'as 24 ans, t'es à Bordeaux. C'est ça. C'est quoi date d'anniversaire de ta meuf? C'était mon ex déjà. C'est pour ça. C'était, ah bah voilà, c'était quoi? De mémoire, c'était novembre 92. Novembre, tu sais, novembre 92. Ouais, c'était au mois de juillet. En été. C'est ça. Ouais, non, Mickaël, du coup, elle t'a quitté, elle t'a plaqué. Non, c'est pas pour ça, mais on va dire que ce que j'ai fait pendant que j'avais oublié son anniversaire, ah, ça m'a économisé, on va dire, un petit cadeau. Ah. Je croyais entendre Karel. Va rigoler. Mais Karel, c'est la même chose, il oublie pour ça. Non, attends, vas-y. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc, j'étais en alternance et son anniversaire, c'était le samedi matin. Ouais. Je bien claqué de la semaine d'alternance, le samedi matin, j'ouvre un âge, oh putain, l'anniversaire dans la tête. Ouais. J'ai joué tout le malade pendant tout le week-end, au moins j'étais tranquille, elle m'a pas réclamé de cadeau d'anniversaire. Putain, une petite pute, sans déconner, putain. Quel enfoiré. Là, c'est vraiment un enfoiré, Mickaël. Mais sérieux, même une petite fleur, c'est mignon. Oh bah ouais. On comprend pourquoi elle s'est barrée. Ah ouais. Tu dois avoir un mauvais karma, ça c'est sûr. Non, c'est clair. Non, mais moi j'oublie pas les dates d'anniversaire. Tu sais, moi je le note sur mon écran d'ordinateur, dans le bloc-notes et tout. Anniversaire, à pas oublier. Non, et il faut des penses bêtes, ça sert à ça. Ah oui, un petit peu. Ah bien sûr, Anne-Sophie. Non, Mickaël, c'est fini, t'as oublié mon anniversaire, c'est terminé. On ne se parle plus. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir. T'as 28 Salut. Ans et t'es à Paris, Anso. Oui. Bah, raconte-toi, on t'a déjà oublié ton anniversaire? T'as oublié un anniversaire? Oui, ma mère m'a déjà oublié mon anniversaire. Ta mère? Oui. ça arrive, ouais. Ah ouais? Moi, ça m'est arrivé. Bah, bien sûr. Ah, ça dépend des parents. Oh, ça va, c'est pas pour ça qu'ils nous aiment pas, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je sais pas si ta mère savait pas que c'était ton anniversaire. Non, c'était mon père, il m'appelle, il me fait « Allô ?» Genre la veille de mon anniversaire, en mode « Alors, comment tu vas ?» Je dis « Bah, ça va, je prépare mon anniversaire pour demain. » « Ah ok, bon bah je te rappelle demain. » Ah. Parce que tu sentais le mec avait un jour d'avance, quoi. T'en as qui savent pas ouais, si c'est la veille, le lendemain. Et toi, Anne-Sophie, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai oublié l'anniversaire de mon copain. Oui. Bon, on n'était plus ensemble. Ah bon? Oui. Et alors? Et en fait, quand je voulais le récupérer. D'accord. Donc, ah, tu peux y aller. Tu n'es pas obligé de faire des pauses à chaque mot. Tu peux. Alors, la suite, t'as fait quoi? Vas-y. La suite, j'ai fait quoi? Elle a oublié. Non, j'ai pas oublié. Non, il y avait une grosse embrouille. Tu te drogues. C'était quoi? Attends, va droit au but. C'était quoi la grosse embrouille? Est-ce que tu parles sous la menace? Ah non, du tout. Il n'a pas de couteau sous la gorge. Alors, c'était quoi? Non plus. C'était quoi la grosse embrouille? C'est que je me suis embrouillée avec mon copain quand c'était son anniversaire. Ah, ok. D'accord. Ça, on avait compris, mais après. Après, c'était avec son pote. Et dis-moi, qu'est-ce que t'as bu ce soir? T'as bu quoi? Anso. C'était, oui. C'était de l'alcool, non? Anso, dites non à l'alcool. Si vous voulez pas vous retrouver comme Anne-Sophie ce soir. Non, je bois pas d'alcool. Non. Moi. Oh mon Dieu. Je suis clean. En plus, t'es clean, sans déconner. Anso. Non, mais tu bois peut-être du vin? Non plus. Ah, d'accord. D'accord. Mais on ne comprend pas ton histoire, ma chérie. Je suis désolé, Anso. On n'a pas compris. Arthur, t'es là ou pas? Bah oui, je suis toujours là. Mais... Ah, Arthur, est-ce que t'as compris l'histoire d'Anso? Non, franchement, pas du tout. Bon, tu vois, Anso, on n'est pas les seuls à pas avoir compris. Alors, termine cette histoire. Donc vous êtes embrouillée, d'accord, après. Bah après, justement, quand je me suis embrouillée avec lui, je voulais le récupérer. Oui. Mais t'as fait quoi? Comment ça, j'ai fait quoi? Bah pour le récupérer. Bon, Anne, bah, j'ai tout fait pour le récupérer. Mais comme quoi? Mais quoi? Ah bah je lui ai envoyé des messages, je l'ai harcelé. Et tu l'as pas récupéré? Bah si, justement, si, je suis toujours avec. Ah bah voilà. Mais t'aurais pu commencer par ça, ça t'est plus vite. Et maintenant, tu n'oublies pas les anniversaires et tu fais attention. Oui. D'accord. Eh ben merci beaucoup Anne-Sophie pour ce témoignage poignant. Arthur. Oui, oui. Arthur, toi aussi, t'as quelque chose à... Tu nous vends du rêve ce soir. Vas-y, raconte tout au bon anniversaire, toi. Ouais, je m'arrangeais toujours pour oublier l'anniversaire parce que déjà offrir à la Saint-Valentin ce qu'elle voulait que j'offre pour le premier baiser et tout. Tous les anniversaires à la con, je lui offre donc pour son anniversaire. Je m'en foutais à chaque fois. Moi j'ai compris. Il est mort de rire. Non, j'ai compris quand même. T'as pas compris? Non. En gros, je vous comprends plus. Mais si, il explique qu'il en avait marre entre les cadeaux pour la date du premier bisou, la Saint-Valentin et tous les anniversaires qu'il y a en couple. Ouais. Et ben il en avait marre de, en plus, fêter l'anniversaire. Donc du coup, t'as eu un ras-le-bol. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est arrangé pour le plus les faire. Ah d'accord. Ouais, du coup je les ai plus. On s'est engueulé et puis je l'ai foutu à la porte. Donc il n'y a plus radin qu'un. Attends, dis-moi juste une question comme ça, tu l'aimais pas vraiment? Ah si, mais c'est juste que mon portefeuille n'aimait plus. Ah d'accord. Ah ouais. On a trouvé pire que toi, Karel. Ah, putain, t'es un gros radin, Arthur. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Arthur, le plus beau cadeau que t'aies fait à quelqu'un, c'est quoi? Un pins. Non, le plus beau cadeau que j'ai fait, c'est offrir mon cœur. Ah, okay. Ouais, ça, c'est facile. Il se rattrape. Bah, tu sais quoi, je t'offre le cœur d'Anne-Sophie. Vous allez très bien vous entendre tous les deux. Anne-Sophie, t'es chaude? Non, elle est avec un mec là. Ah oui, c'est vrai, oui. Non, c'est pas Alice. Elle s'est rabibochée avec. Ah. Alice. T'as une touche avec Arthur. Ah bah écoute, Arthur, voilà. Arthur, Arthur. On va te la repasser à l'antenne. Salut. Hors antenne. Salut Arthur. Allez, salut à toi. Floriane est avec nous. Bonsoir Floriane. Bonsoir, ça va? Salut. Salut. 23 ans d'Avignon, Floriane. Bienvenue à toi. T'appelles pourquoi? Alors j'appelle parce que avec mon copain, franchement, c'est top, c'est le plus beau, c'est le meilleur, mais au lit, on s'entend pas, quoi. Ah d'accord, la catastrophe au pieu. Le scénario assez classique. Ah c'est terrible ça, genre... ça fonctionne d'un côté mais pas de l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Un gros souci, on va t'aider Florian, hein. 01 42 48 5000 et comme promis, on va s'écouter et mettre à fond Ken Jones dans 3 minutes avec Don't Mind, c'est Love in Fun jusqu'à 22h, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. Bon, la famille, tout est prêt? On est OK pour le casse du siècle, Christina? Legging, spécial infiltration, check. Elliot? Logiciel de piratage de données, check. Vacher? Bonnet sur la tête comme les gangsters pour pas attraper froid, check. Ouais, je vais peut-être devoir renforcer mon équipe avec quelques recrues, moi. T'as répété ce speech, à vous le. Toute la semaine prochaine, rejoins mon équipe pour participer au casse du siècle. Ça va se passer le vendredi 30 septembre dans les entrepôts de Cdiscount, le numéro 1 du e-commerce. Y a quelqu'un qui sait comment on met une cagoule? Je crois que j'ai mise à l'envers en fait. J'arrive pas à respirer. Je panique. 6h-9h sur Fun Radio. Avec Cdiscount, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Moi, valeureux candidat. Moi, trouver job grâce à méthode ancestrale. Moi, faire signaux de fumée pour envoyer un CV. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job en mode Apache. T'es sérieux, là? Bah oui. Mais sors de ton Tipeee. Faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Ah bah, je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain.

Salut Florian, tu t'es déjà toi connecté sur le site de Fun comme ça pour t'es un petit peu curieuse, regardez. Eh ben là, je viens juste de le faire en fait. Alors, quelle belle surprise, n'est-ce pas? Exactement, je suis éblouie. Tu t'imaginais à nos physiques comme ça là? Non, mais j'avais déjà vu un petit peu, voilà, rapide. Mais bon, en streaming, c'est sympa comme ça. Eh ben voilà, n'hésitez pas, funradio.fr. Tu nous appelles pourquoi, Florian? Alors, je vous appelle parce que avec mon copain, ça fait un mois qu'on est ensemble. C'est le plus beau, c'est le meilleur, enfin, tout va bien, sauf, voilà, c'est ça. Sauf au lit où, ben, voilà, on l'a déjà fait plusieurs fois et, ben, Comment ça se passe? C'est un peu maladroit, on se cogne un peu, on veut entamer chacun un truc, on se dit, ah ben non, vas-y, toi, fais, moi, c'est un peu. C'est un peu fouillis. Vous n'arrivez pas à vous emboîter. Parce que vous voulez trop bien faire. Mais si, vous voulez trop bien faire. Et d'abord, il faut apprendre à se connaître. Moi, c'est pas énorme. Mais déjà, il y a tout ce qui est tendresse, érotisme et plaisir partagé. Le rapport sexuel ne doit pas obligatoirement se faire dans les 5 minutes. Même si, quelquefois, vous êtes ensemble et vous êtes bien ensemble et vous vous touchez, vous vous caressez, c'est ça l'érotisme, et vous prenez du plaisir, c'est la première étape. Le Covid n'est pas obligatoire tout de suite. Là, visiblement, on sent qu'il y a des volontés de part et d'autre de faire trop bien. Mais ça sert à rien, après, c'est pas bien. C'est tout. Donc, c'est pas nul. Je pense pas que ce soit nul. C'est comme ça un peu au début. C'est tout. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu des rapports sexuels avant? J'imagine que oui. Oui. Et ça se passait très bien. Oui, c'est la première fois où vraiment, Et parfois, quand il est trop, très, très, très amoureux, Doc. Tu es très amoureuse, c'est ça? Oui, Enfin, ça fait un mois, mais oui. Non, mais si tu es très très amoureuse, il y a aussi ça, cette libido qui est un peu absorbée par ce sentiment amoureux et qui a du mal un peu à s'exprimer. Donc d'où l'intérêt d'y aller très progressivement et laisser les choses se mettre en place sans vouloir faire d'emblée vite et bien. Parce que Florian, moi je te pose la question, est-ce que par exemple si sexuellement ça ne s'améliore pas, tu pourrais quitter ce mec? Alors que tu nous dis que c'est l'homme de ta vie, qu'il est super beau, il est nickel... Non, mais c'est quelque chose qui est forcément important. La seule chose, c'est que, bien évidemment, si l'un comme l'autre, il y en a... Et qu'est-ce que tu trouves de pas bien? Est-ce que tu le trouves un peu coincé, un peu gauche? Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est pas... C'est qu'on... Enfin, c'est un peu... C'est limite un peu le malaise. Au début, tout se passe bien, tout ça. Puis au bout d'un moment, on sent qu'il y a un... Ah, merde. On se cogne un peu, voilà, ah bah tu m'as fait mal. Oh bah c'est rigolo ça, c'est mignon, non? Ouais, c'est rigolo, ouais. Non, mais déjà, c'est voilà, t'es obligé de bouger dans tous les sens au début. Oui. Tu comprends ça? C'est sûr. Voilà, mais il peut pas y avoir quelque chose qui puisse nous... Je sais pas, un sextoy ou un truc comme ça, j'en sais rien. Ah non, mais remplace pas ton... Attends, je vais te dire, c'est pas une question de technique, c'est une question d'apprendre à connaître l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il a une sensibilité, il a du plaisir. C'est ça qu'il faut explorer. Tu as une sensibilité, tu as du plaisir. Il faut explorer ça chez toi. C'est-à-dire qu'il faut que vous découvriez, pour ça, il y a effectivement nécessité d'un certain respect, d'un certain temps. Pour certains, ça va marcher d'emblée bien, c'est exact. Mais si à l'amour, si vous aimez vraiment, je pense que le sexe n'est pas quelque chose d'insurmontable. Non, oui, c'est sûr. Mais bon, c'est plein d'espoir pour toi, Florian, tu vois. Non, mais c'est vrai, il a raison, Doc. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Tu dis qu'il est déjà parfait. Donc, il fallait bien qu'il y ait un petit truc qui n'aille pas. Et qu'est-ce que tu aimes, toi? C'est-à-dire chez lui ou... Composition. La sexualité. Tu aimes comme position? Moi, je suis plutôt basique. Plutôt rester dans les basiques. Après voir un missionnaire. Peu plus tard. Est-ce que tu lui as dit? Oui, alors ça, on en a parlé justement après, parce que... Au bout de la 5e ou 6e fois où c'était un petit peu bizarre, un peu où on se connaît, tout ça, on en a discuté, et puis on s'est dit que ça allait peut-être venir avec le temps, qu'on allait voir. C'est sûr que ça peut venir avec le temps, bien évidemment. Donc bon, après... Florian, il va falloir continuer de travailler avec lui, tu vois, et ça va venir au fur et à mesure, on n'est pas des cadors dès le départ, hein. On apprend aussi, Florian, et puis il va apprendre à te découvrir. D'accord, ma chérie? C'est sûr, pas de problème. Je suis sûr que vous allez faire l'amour. Sinon, on vient au pied de votre lit, on vous aide. D'accord? J'ai peur. Là, par contre, ça risque d'être un peu... J'ai peur d'en faire... Vas-y, pénètre là. Vas-y, pénètre Florian. Nous allons t'aider. Non, mais au pire du pire... Je vais participer dans ce cas-là. Ah bah bien sûr. Ah bah voilà. Là, on va mettre du piment. Florian, je te fais un gros bisou. Tu reviens quand tu veux. Gros bisou, merci. Non, on ne viendra pas chez vous faire l'amour à votre place. Certainement pas. On est là pour vous aider, mais nous avons des limites. Hugo est avec nous, 16 ans d'Agen. On est en direct de l'internat ce soir.